La feuille morte de l'arbre tombe. L'été fait ses bagages. Pour s'aimer, il n'y a pas d'âge. Passe le temps, tourne la ronde. Souffle le vent sur ton visage. Dans mes pensées traîne l'image. Tu me regardes en souriant. Reste avec moi rien qu'un instant. Je tends ma main, tu n'es pas là. À quoi bon faire ce cinéma? La vie écorche les sentiments. En amour, faut pas faire semblant. Envoûté par tes certitudes, tu m'as offert la solitude. La cloche sonne l'heure du départ. La nuit s'invite lentement. Tourne la ronde, passe le temps. Coquelicot dans le brouillard. Perdu, fragile et dans le vent. J'entends la chanson des amants. Tu me regardes en souriant. Reste avec moi rien qu'un instant. Je tends ma main, tu n'es pas là. À quoi bon faire ce cinéma? La vie écorche les sentiments. En amour, faut pas faire semblant. Envoûté par tes certitudes, tu m'as offert la solitude.